Tandem et Rosier. Chez les voisins, où la lumière est encore allumée, nous distinguons derrière les rideaux les clartés stroboscopiques de la télévision. Le bruit du petit écran a dû couvrir celui de la chute du tandem dans les rosiers. Ils hurlent de douleur, je songe, ces rosiers maltraités. Mais leurs plaintes muettes n'atteignent aucune oreille et vont rejoindre les gémissements des arbres amazoniens et de leurs compagnons de misère, dans le cimetière des causes végétales perdues. On doit jouer un drame à la télé. Nous nous approchons de la murette, osons par-dessus deux perdus qui distinguent, solidement plantés dans la terre, notre tandem. La fourche a éventré un gros tronc de rosier, le reste du vélo semble aplatir le massif tout autour. Comme je n'arrive pas à trouver le courage, j'enchaîne des mimiques d'indécision. Lila décide de m'aider. Elle court vers la maison, en revient chargée d'une bouteille de vin rouge et de deux gobelets. Sourire canaille, large geste du coude, elle nous sert une bonne rasade que nous buvons d'un trait. Nous retendons chacun notre verre vide dans un timing parfait. Tout me semble plus facile après le troisième verre. L'incident, et la vie elle-même d'ailleurs, ont perdu de leur gravité par la grâce de la magie éthylique. Sans plus réfléchir, j'escalade alors la murette, haute d'environ 1,50 m, avec une agilité qui me surprend. La chute ne me surprend pas moins. Je glisse et me ramasse sur le dos dans la terre grasse du voisin. Me relevant, je tends la main à une Lila hilar, demandant, les larmes aux yeux, si je suis encore vivant. Puis nous voilà tous les deux de l'autre côté du mur, où nous constatons que notre discrétion est loin d'être parfaite. À chaque pas, nous nous enfonçons dans une terre meuble, fraîchement baignée de pluie. Ma vision est un peu brouillée, la nuit plus le vin peut-être. On dit qu'il ne faut pas faire de mélange. À pas de loup obèse, nous arrivons vers les rosiers, non sans nous être arrêtés devant la fenêtre, pour assister au spectacle de ce couple englouti par un canapé, yeux grands ouverts devant leur écran de télévision. Les bouches des deux spectateurs semblent exhaler une fumée bleutée. Fascinés à notre tour, nous éprouvons toutes les difficultés pour nous détacher du spectacle coloré. Et je ressens pendant quelques secondes une douce passivité, une absence qui se suffit à elle-même, une attirance tranquille vers ce rectangle apaisant dans lequel je souhaite me laisser aspirer. Lila me tire par la manche. Elle a l'habitude du chant des sirènes, du phénomène d'accoutumance aussi. Elle s'en méfie comme de la peste. Je reviens à moi quand nous arrivons vers les rosiers, toujours un peu drogués par les images bleues. La réalité me semble plus terne, l'authentique a pris un goût fadasse. Lila m'assure avec un ton d'infirmière que ça va passer, en me réprimandant lorsque je veux retourner, juste un instant, vers le spectacle qui se joue derrière la fenêtre. Sur la pointe des pieds, nous nous approchons du tandem. Piétinant le reste des rosiers, je tire un peu sur le cadre, sans effet, puis j'essaie de donner des coups secs pour faire venir le vélo à moi. Il bouge peu, très peu. C'est qu'il a l'air bien planté. J'ai beau serrer les dents, me faire sortir les veines du front, transpirer, rien. Lila a une idée. Elle fait contrepoids en s'accrochant à la roue arrière, cependant que je tire de toutes mes forces sur le guidon pour tenter de déterrer l'avant de la bête. Le tandem oscille un peu, comme pour nous faire plaisir, sans plus. Visité à mon tour par un génie inspiré, je me rends au fond du jardin où j'ouvre la porte d'une petite cabane en bois dans laquelle je dégote une bêche. Au passage, je fais un détour vers le muret et je me verse un grand verre de vin. Je le bois avidement. C'est soir de fête ! Lila siffle entre ses dents, geste de la main à l'italienne. Hey, « Eh, et moi ?» me dit-elle en mime. Galant, titubant mais digne, je lui porte un verre bien plein. Elle avale d'un trait le reste de ce que je ne me suis pas répandu sur la manche. Puis, à l'aide de la bêche, nous répétons la tentative de désincarcération, tandis que j'ai enfoncé l'outil bien profondément dans la terre, sous la roue avant. Nous formons tous les deux une sorte d'horloge atomique à la Tinguely, dont nous sommes les aiguilles tordues. Lila suspendue à la jante arrière de tout son poids, Miloche debout sur un manche de bêche, au milieu d'engrenages à rayons dans un mouvement ascendant et descendant. Le tandem commence à s'extirper des racines des rosiers, puis sans prévenir, s'exhume d'un coup sec avant de s'affaler par terre, nous avec, dans un vacarme terrible. Sur le dos, nous entendons le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre et nous rampons dans l'ombre épaisse. Le son, trop longtemps étouffé par les doubles vitrages, s'échappe brusquement en tonitruant une explosion de fusillade. Entre deux rafales d'armes automatiques, nous entendons le dialogue suivant. « Qu'est-ce qu'il y a, Pitou ?»« Rien, ce doit être encore les deux crétins d'en face. Non mais, t'as vu le chantier ?»« Viens, laisse-les tranquilles. »« Ouais. »« Drogué !» grogne-t-il entre ses dents en direction de ma maison, tandis que claque la fenêtre. Nous soufflons un grand coup, trop saoul pour être vraiment effrayés, puis nous allons terminer notre travail dans un silence approximatif. J'essaie mollement de faire taire Lila, qui ne cesse en pouffant de m'appeler Pitou. Je suis partagé entre le rire et l'inquiétude. La sortie des voisins m'a un peu dégrisé. Je n'ai pas les talents de je m'en foutisme de Lila. La réalité me grignote. J'ai alors la mauvaise idée d'envisager les conséquences de nos actes. Et même en relativisant la chose, le côté amusant de l'entreprise s'est effacé devant la peur du lendemain. Il me tarde à présent d'avoir fini le sauvetage du tandem. Je crois que j'arrive à convaincre la blagueuse de ma réelle inquiétude. Par de longues respirations entrecoupées de hoquets, elle parvient à se calmer un peu, et nous essayons de redresser les rosiers copieusement piétinés. Ce serait bien sûr plus simple en pleine lumière, mais nous n'avons pas le choix. Les voisins se lèvent matin et rien ne plaît plus à Monsieur Grand que d'aller uriner dans son jardin aux premières lueurs du jour. C'est ainsi. Je vais ranger la bêche dans la petite cabane. Nous faisons passer le tandem par-dessus la murette, puis nous le rejoignons. « Ni vu ni connu !» me claironne Lila, tandis que j'essaie de donner le change. J'échoue lamentablement, ne faisant que grimacer. Les chaussures et l'esprit enrobés d'une gangue de terre, je vais, tête basse, ranger le vélo amoché dans le parc, côté réparation. Il va falloir que je m'y mette. C'est ce que je tente de faire le lendemain, après un petit déjeuner matinal pris dans les décombres de mon salon. J'ai mal au crâne. Pendant que Lila ramasse en fredonnant les tuiles brisées qui jonchent le sol, je constate, bras ballant, l'étendue des dégâts du parc cyclomobile. Moi qui n'ai jamais supporté sans angoisse qu'un de mes vélos soit malade, je me retrouve ce matin devant un festival d'estropiés. Roues voilées, pneus crevés, dérailleurs tordus, phares démantibulés, cadres de travers et autres meurtrissures mécaniques émaillent chacune de mes merveilles roulantes, transformant ma flamboyante collection en un hôpital de campagne. Je ne sais pas par où commencer. Après une bonne demi-heure d'inaction profonde, de regards soupirants en tous sens, je finis par m'encourager d'un « Allez, Miloche !» Et c'est d'un pas décidé que je saisis le premier vélo, quand mon attention est tapée par des éclats de voix. Je sors prudemment la tête du hangar pour apercevoir le voisin en train de s'entretenir avec Lila. Les bras de Pitou enchaînent une série de figures complexes, se projetant vers le haut, se dirigeant vers son jardin, se croisant sur son torse de propriétaire, dans une chorégraphie énervée à laquelle Lila paraît riposter d'une voix calme. Je fais semblant de ne pas être là. N'allez pas penser que c'est de la couardise. Je dirais que c'est de la politesse. Prenant mon courage à deux mains, je décide de rejoindre Lila après avoir vérifié que le voisin a bien réintégré son domaine privé. Qu'est-ce qui se passe ? M'enquiers-je, un peu benoîtement. Il a deviné pour les rosiers. Non. Comment il a fait? Il a trouvé sa terre labourée, des grosses traces de pas partout, un gobelet vide taché de vin dans son jardin, et ça aussi, planté dans les rosiers. Lila me montre un timbre de vélo. Ah oui. Comme tu dis, je crois qu'on a laissé un tout petit peu trop de preuves. Même un apprenti maigré atteint de cataracte et d'une sénilité galopante aurait retrouvé notre trace sans forcer. Alors ton voisin m'a répété plusieurs fois qu'il t'avait beaucoup aidé quand tu étais malade, qu'il s'était occupé de toi, qu'il t'avait même prêté un fauteuil, que s'il n'avait pas été là, tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est, etc. On aurait dit un mauvais acteur tragique, la main sur le cœur et tout. Ah oui, il a dit aussi « Fais du bien à Bertrand, ça va, je connais la suite. » Je suis très gêné, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée. J'ai pensé à ça ce matin. Pour tout dire, je m'attendais un peu à la visite de Pitou. Pas si fort. Je suis sûr qu'il est derrière le rideau. J'ai toujours eu le souci des convenances. Et j'ai souvent des attaques inopinées, car, comme le paludisme, c'est une maladie qui ne se guérit pas comme cela. Lila, par imposition du sourire, résorbe l'inflammation.